Alors, à vous les studios. Alors, le temps est venu de faire la désannonce et surtout de vous annoncer le programme du jour qui va commencer bientôt avec le partage d'écoute de Juliet Fraser au salon d'écoute. Ce sera de 12h30 à 13h30. Et puis, ce sera diffusé à l'antenne. Donc, ne quittez pas la radio après nous. Vous pouvez encore rester écouter un petit moment. Oui. Ensuite, à 13h dans la grande salle, il y a une rencontre et concert qui s'intitule « Hyperventilation ». Daniel Klaus et puis Marguerite Schenker qui présente des œuvres. Voilà, c'est donc dans la grande salle à 13h. À 14h, dans le salon de l'écoute, il y aura un concert d'Acousmonium qui s'intitule Radio Chimère 66 enfants et un bestiaire. À 15h, dans la salle de jeu, le multipiste à suivre entre espaces étant les étudiantes composeurs, performeurs de la HEM vont proposer donc un concert intitulé Majuscule et c'est le quatrième concert de cette série. À 15h dans le salon d'écoute, toujours un concert de l'Acousmonium, augmentation d'écoute, concert électroacoustique numéro 2 avec des œuvres de Natacha Barrett, Stéphane Fraunberger et d'autres œuvres. Donc le programme complet est en ligne. Bien évidemment, à 16h30 dans la salle de jeu, des étincelles sensorielles avec un spectacle qui s'intitule « Allumette de la compagnie Bis » avec Elisabeth Demérode et Lucas Ducio Loras. À 17h, je vous passionne, il s'en passe des choses. Voilà. Chaque heure, chaque demi-heure, voilà. Donc maintenant, 17h. Est-ce que tu peux nous interpréter 17h et m'asseoir pendant que je lis. Dans la grande salle, un concert performance surligné ligne de crête, c'est Inger Anisdal et Karen Kérous et c'est un concert dessiné toujours dans la série Free Folk. Et enfin, dans la grande salle, le dernier concert à 19h, ce sera un concert de Juliet Fraser, donc qui fera le partage d'écoute à 12h30, qui s'intitule Sur le fil. Et puis le titre du concert, c'est Still and Moving Lines, avec des œuvres de Newton Armstrong, Pascal Criton, Alvin Lucier, Pauline Oliveros. Et c'est un concert pour voix et électronique que je vous recommande particulièrement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dormir. Mais avant, remercier toutes les personnes qui auront participé, et ça, on le fait sous... Mets ton vocodeur acoustique. J'essaye avec un vocodeur acoustique. Je fais une musique d'ambiance. C'est une expérience un peu risquée, mais... Alors... Attends. Plus. Donc j'ai légèrement changé de voix. Et ça, c'est grâce à un ballon d'hélium. Voilà. Apparemment, les effets... Il y a quelques petites contre-indications, dont une légère ébriété que je ne ressens pas pour l'instant. L'effet peut durer un petit moment. Voilà, c'était Archipel, la radio-usine d'Archipel. Donc, il s'agit de néon, un gaz un petit peu plus léger que l'oxygène, donc qui exerce une différence de portance sur les modulations sonores qui transitent par mon larynx. Raison pour laquelle j'ai une petite voix de canard. Et après, je vais avoir un gros mal de tête. Mais que ne ferait-on pas pour faire l'intéressant et passer... Le ballon n'est pas terminé. Alors, on va... Pour finir ton assiette, Antoine. Bon app, Nadan. Bon, ben voilà, j'espère qu'on se reparlera avec bientôt sur un autre ton. Donc définitivement, on fait vraiment la transition avec toutes les bêtises qu'on a dites depuis le début de la journée. Vous voyez que l'effet est vraiment transitoire. Mais pour autant, ne faites pas ça chez vous. Apparemment, il y a quand même une certaine mortalité avec ce petit jeu. Notamment quand on est un enfant entre 6 et 12 ans, où apparemment c'est le pic de mortalité. Mais ce n'est pas ton cas, alors ça va. Mais ce n'est plus mon cas. J'ai plusieurs fois 6 ans et plusieurs fois 12 ans. Donc, je vois plus le trou. Voilà. Bon, on enchaîne avec le partage d'écoute. Bah, il est à peine 30. Il est où le trou? Moi, je voulais bien essayer aussi. Ah oui. Bah, oui. Il est où? Tu l'as fait par où? Ah ouais. Ah ouais, oula, il est énorme. Quelque chose à rajouter, Emma? Ben oui, j'aimerais. Oh putain, ça m'a... Je voulais juste vous remercier, c'était super de faire ça avec vous. Et vraiment, non, c'était vraiment un plaisir. C'est rigolo, on a beau se... C'est assez addictif. Hein. Non, mais c'est absolument merveilleux. Le truc, c'est qu'il y a encore des ballons comme ça qui sont un peu partout dans le couloir des pas perdus. Oh putain, ok. Non, mais vraiment, oui, merci beaucoup. C'était un plaisir de faire cette radio avec vous, les amis. Vivement Archipel 2026, franchement. Ça va manquer, quoi. Voilà, comme quoi, les pédales d'effet, les vocodeurs, ça sert à rien. L'intelligence artificielle, ça sert à rien. Radiozine, c'est terminé. Fiez-vous à la nature. La nature, c'est beau. La nature, c'est la culture. Non, je rigole. Bon. Lisez Philippe Descola. Et bon, ben, salut, quoi. On va manger. Hasta luego. Oh bye yeah, bye. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.